Chapitre 3e. La dame au regard noir. La cité d'Antin, qui va tournant sur elle-même, est un boyau à plusieurs issues, donnant sur la chaussée d'Antin, sur la rue de Provence, donnant également rue Lafayette. Elle a absolument l'air d'un coupe-gorge du vieux Paris, et malgré les aménagements modernes qu'on y a faits, elle a gardé à tort ou à raison une réputation plutôt douteuse. C'est un de ces repères mystérieux situés en plein cœur de Paris. Martin Numa la connaissait bien. Il se présenta chez le négociant qui répondait au nom russe de Basilesco et demanda à le voir. M. Basilesco se trouvait derrière un grillage où il y avait sur une pancarte, écrit à la main, ces mots « Engagement, dégagement ». C'était l'officine où l'on vient compléter le prêt consenti au crédit municipal en engageant la reconnaissance. Beaucoup de ces négociants rendent service en cas urgent et sont, malgré leur métier qui spécule sur la misère, parfois de très honnêtes gens. Mais il en est aussi qui se servent de ce métier facile pour achever de dépouiller ceux que le malheur accable. M. Basilesco était un petit homme chauve, à grande barbe noire très abondante, avec une large chaîne de montre coupant son gilet, des bagues de diamants à presque tous les doigts, ayant en somme l'air d'une devanture de bijoutier. Ce fut lui qui reçut Martin Numa. Il répondit à ses questions avec un fort accent de levantin indéfinissable. Martin Numa regarda cet homme, et tout en lui parlant, cherchait dans sa mémoire où et à quelle occasion il l'avait déjà eu en face de lui. Très obligeamment, avec le plus grand empressement, le courtier en reconnaissance répondit à ses questions, se mit à sa disposition pour lui fournir tous les éclaircissements désirables. Martin Numa lui demanda s'il n'avait pas eu l'autre jour la visite du malheureux garçon de recette dont la disparition faisait une telle sensation dans Paris. M. Basilesco répondit que non, qu'il avait vu il y avait un mois, en effet, ce pauvre M. Vidal, cet excellent père Éloi, qu'il avait réglé son effet, qu'il tenait cet effet d'ailleurs à la disposition de Martin Numa. Pour donner plus de corps à ses paroles, il ouvrit le tiroir de son bureau, fouilla dans un grand portefeuille et montra l'effet en question. Martin Numa examina ce papier et releva commando encore deux signatures. L'une était celle du petit antiquaire et l'autre d'un négociant dont Martin Numa prit le nom précieusement sur son carnet. Martin Numa s'étonnait de voir le négociant en antiquité prêter sa signature et la faire accepter dans une banque. Il se dit que probablement la seconde signature devait être sérieuse. Mais l'assemblage de ces noms, l'aspect de ces boutiques, de ces magasins, de cette sorte de banque à reconnaissance, suscitant en lui le plus vif intérêt, et l'amena à penser qu'il était sur la piste d'un de ces mystères parisiens dont l'éclat tout à coup provoque la plus forte émotion. Pour aujourd'hui, il ne s'arrêta pas à approfondir cette découverte. Il s'en tint à cette constatation simple. Il remercia M. Basilesco de son obligeance et se retira. Comme il allait sortir de la cité d'Antin, il fut croisé sous le grand portail de la rue de Provence par une jeune femme très élégante, brune, fort jolie, qui passa devant lui en lui adressant à tout hasard un coup d'œil charmant et un joli sourire. Martin Numa fit quelques pas encore, puis s'abritant derrière une des colonnes énormes qui se trouvent auprès de la rue de Provence, il regarda où allait cette jeune femme. Cette jeune femme entra dans la maison d'où lui-même sortait, celle où se trouvait la banque du marchand de reconnaissance. Jusque-là, rien d'anormal. Ce devait être une de ces créatures pour qui, malgré leur beauté, la vie a des vicissitudes et qui se trouvent souvent obligées d'engager les bijoux que leur ont donnés leurs adorateurs. Celle-ci, probablement, venait, après avoir été accrochée au crédit municipal un bijou quelconque, demander à M. Basilesco un supplément en lui vendant la reconnaissance. Mais ce qui frappa Martin Numa, ce fut la ressemblance de cette femme avec le portrait que l'on trouvait sur la carte postale qu'il avait découverte, bien caché dans le tiroir de Vidal. Martin Numa n'était pas homme à négliger ce détail. Il fit le tour de la colonne rapidement et entra dans une maison meublée qui se trouvait non loin de la porte de la rue de Provence, donnant sur la cité d'Antin. Il loua une chambre, disant qu'il attendait quelqu'un, et se mit à la croisée de cette chambre qui donnait précisément sur la porte de la maison où se trouvait l'écriteau de l'achat et vente de reconnaissance de M. Basilesco. Martin Numa était doué d'une patience à toute épreuve. Il aurait attendu là pendant deux jours, sans bouger, sans quitter cette porte du regard, ne fût-ce qu'une minute. Sa patience, d'ailleurs, ne fut pas mise à une telle épreuve, car au bout d'une demi-heure à peine, il vit sortir de la maison la jeune femme et M. Basilesco. Martin Numa, alors, quitta sa chambre. Il descendit rapidement l'escalier, ayant, avant de sortir de l'hôtel, vivement appliqué sous son nez une petite moustache en brosse à l'américaine, ayant changé de par-dessus, c'est-à-dire mettant la doublure à la place du dehors, car son par-dessus était à double face. Il s'était en somme fait une silhouette neuve. Il suivit, sans que ceux-ci pussent le reconnaître, M. Basilesco et la jolie femme brune. Le couple tourna dans la cité d'Antin et descendit le petit raidillon qui les menait jusqu'à la rue Lafayette. Martin Numa les vit alors remonter du côté de la rue Thébout, s'engager dans cette rue, tourner et pénétrer chez le marchand d'antiquités rue de la Victoire. Dès lors, Martin Numa eut cette conviction qu'il avait affaire à une bande organisée, et il pensa que le mot de l'énigme se trouvait entre les mains de ces gens. Il fit encore quelques pas sur le trottoir opposé, passa une ou deux fois devant le magasin de M. Armand, antiquaire, puis au coin de la rue, il souleva son chapeau, s'épongea le front et reprit sa promenade. Il fut tout à coup croisé par un passant mis d'une façon convenable, qui eut l'air très étonné de le rencontrer, et lui serra les mains avec joie. Ils échangèrent quelques propos. Martin Numa et lui revinrent sur leurs pas et repassèrent devant la boutique de M. Armand, antiquaire. Puis Martin Numa se sépara de cet ami, qui n'était autre que son second Prosper, qu'il mit en faction dans cette rue. Il se dirigea vers la rue de Provence. Martin Numa, après avoir quitté son second Prosper, sortit un mouchoir de sa poche, mais de telle façon que ce mouchoir lui glissa des mains et vola sur le trottoir. En même temps que le mouchoir, un étui à cigarette tomba sans que Martin Numa s'en doutât en apparence. Un passant obligeant le ramassa, et en quelques pas rapides, regagna le détective et lui dit « Monsieur, vous avez laissé tomber cet objet de votre poche. » Martin Numa se confondit en remerciements et dit rapidement quelques mots à cet homme obligeant, qui n'était autre que son deuxième second, Philippe. Et il plaça Philippe en observation devant le magasin de meubles. Puis, lui-même monta dans sa voiture et se fit conduire place de l'Opéra pour en revenir aussitôt. Il était entré dans la voiture avec un pardessus de couleur beige. Il en sortit avec un pardessus noir. Tranquillement, il revint à l'hôtel, où il avait loué tout à l'heure une chambre, se fit apporter du papier pour écrire, et dit au garçon qu'il avait de la correspondance à faire et qu'il ne voulait pas être dérangé. Comme il avait payé largement sa chambre, le garçon, habitué à voir des clients ayant toutes sortes de fantaisies, ne s'inquiéta pas davantage de celui-ci et le laissa tranquillement à sa correspondance. Désormais, trois individus se trouvaient en observation, tenus sous l'œil qui ne laissait rien échapper de Martin Numa et de ses deux aides les plus habiles. Mais pendant quelques jours, rien d'anormal ne fut signalé. Prosper, Philippe et Martin Numa lui-même, qui changèrent de poste d'observation afin de ne pas éveiller l'attention et susciter les indiscrétions, ne remarquèrent rien de suspect, ne purent rien soupçonner. Ces trois négociants avaient des allures normales, allaient à leurs affaires comme tous les autres, et en somme, ne donnaient prise à aucune supposition, ne faisaient naître aucune suspicion. Et cependant, l'instinct de Martin Numa lui disait que ces gens n'étaient pas étrangers à la disparition du garçon de recette Éloi Vidal.